Bienvenido una vez más al programa Interculturalidad. Cada día lo digo, qué placer estar de nuevo con vosotros. Para los que no estabais la semana pasada, el programa tenía una forma un poco diferente de lo habitual, dado que me hice reportero en la facultad para saber lo que opinaban mis compañeros de mi país, que es Francia. Tengo que decir que fue una experiencia bastante divertida porque se aprende mucho y así tenemos otra visión de nuestro país como una visión exterior. Con gran encanto, no he oído hablar de los típicos perjuicios e ideas preconcebidas que de costumbre oigo. De verdad, los que han contestado a mi encuesta y que me han dado su opinión son muy buena gente. Los estereotipos y los clichés o las ideas preconcebidas son más o menos la misma cosa y parten del mismo concepto. Un cliché es un concepto que a fuerza de repetirse se ha estereotipado, y un estereotipo es una concepción simplificada y comúnmente aceptada por un grupo sobre una persona, un aspecto social o más generalmente sobre una nacionalidad. Todo ese tipo de concepto nace de un desconocimiento de las culturas recíprocas. Todos tenemos ideas preconcebidas, es obvio. Lo que hay que hacer es acercarse más al país del que se trata e intentar abrirse a esta cultura que es diferente de la nuestra por definición. Aunque dos culturas tienen la misma raíz, siempre hay pequeños detalles que hacen que dos culturas se diferencien. Ahora vamos a escuchar la música de Kamini, un artista de R&B, que se llama, la canción se llama Mardi Gum. Ces petits patelins paumés, par qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaud. Je m'appelle Kamini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait. À Marly-Gaumont, y'a pas de béton. 65 ans, la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. Trois jeunes dans le village, donc pour jouer, c'est pas chouette. Viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants, et parmi eux, une seule famille de noirs. Fallait que ce soit la mienne. Putain, vrai cauchemar, j'ai dit à mon père, on aurait pu aller s'installer à Moscou, non? On aurait pas trop été dépaysé par la température ni par les gens? Il m'a répondu, hé, mais comment ça, mais tu te moques de moi, toi, mais ça va aller, hein, tu parles. J'avais 6 ans, premier jour d'école, et ben j'ai chialé à cause des petits cons là-bas. Tu sais comment ils m'appelaient? Eh, mon boulot! Eh, Pépito! Eh, mon boulot! Eh, noir, oh, dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. À Marly Gaumont, les gens ils parlent pas verlan. Ils parlent en gros comme vous, des mafieux bidons. Des fois ils t'aiment bien. J'aime pas les arabes, hein. J'aime pas les noirs. Je t'aime bien, même si t'es noir. De temps en temps, il faut de la politique aussi, avec plein de philosophie. De toute façon, moi je dis, tout est pour rien. Dans les petits patelins, faut pas être cardiaque, ouais, sinon t'es mal. Faut traverser ma village en tout 50 bandes pour trouver un hôpital, que dalle. Là-bas, y'a rien, c'est des pâtures. Des fois, y'a un match de foot le dimanche. Le stade, c'est une pâture sur lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés et les filets. Et dans l'équipe du coin, y'a toujours un mec qui se fait surnommer Kéké. Allez, Kéké! Allez, Kéké! Si c'est pas Kéké, dans l'équipe d'en face, y'a toujours un mec qui s'appelle Biquet. Allez, Biquet! Allez, Biquet! Une journée type dans le coin, le facteur, un tracteur, et un rien. Enfin, si une vache de temps en temps. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Et à l'école maternelle, j'étais le seul black. Et dans le putain de collège, j'étais le seul black. Et dans le putain de lycée, j'étais le seul black. De la maternelle au lycée, toujours autant de claques. Qui se perdait dans la nature ou dans la raison. Papa me disait toujours c'est bien, faut pas se battre un piston. Mais moi je voulais me révolter, mais là-bas y'a rien à cramer. Y'a qu'un bus pour le lycée, c'est le même pour le centre aéré. Pas la peine d'aller brûler, et le voiture du voisin. Des gens ils ont mon peu, ils ont tous des mobilettes. En plus le boulangerie, elle est à 8 km. 8 km, tous les matins, à mobilette. Il est parti où Vincent? Il est parti en catimini. Ah ben non, pas de ça, c'est nous, hein. Parti à mobilette, hein. Parti à mobilette, hein. Le métro des petits patelins, c'est le but 1. Le but 1 qui fait. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Les petits patelins paumés aussi à la misère, alors rien à faire là tout est vert. Ces petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaud. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y a pas de bitume là-bas, c'est des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Y a pas de Paname, mais de Marly, comment? Y a pas de bitume là-bas, c'est des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y a pas de bitume là-bas, c'est des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Y'a pas de Paname, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Yo! ¿Os acordáis de cuando hablé de los métodos de clase de programa del diálogo? Era un método que permitía aprender más sobre las relaciones entre los dos países, en el medio profesional y en el medio personal. Dije que daban a conocer las realidades de los intercambios entre Francia y España y las cuestiones culturales que suponían. Los perjuicios e ideas preconcebidas pueden llevar a dificultades en el ámbito de las empresas, pero no solo en las empresas. Con un mejor conocimiento de la otra cultura, se facilita la relación intercultural. No voy a hablar más de lo que pienso en hacer unas estancias en un país extranjero, pero lo voy a decir otra vez. Siendo en un país, se aprende mucho más que lo que se dice en los libros. Con un programa como Erasmus u otro tipo de programa de intercambio, se aprende mucho sobre el otro, pero también en nosotros mismos, además de cualidades personales. Con eso se destrozan los estereotipos. Dejo plaza a Zazie, Je suis un homme. Je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison. Moi je tourne. El tema de la música de hoy es la pop francesa. Espero que os guste, a mí me encanta. Volviendo al programa, todo el mundo sabe el típico estereotipo de francés, un gorro en la cabeza y un baguette de pan en el brazo. Eso creo que hoy ha pasado y resulta más del humor. Creo que ahora no se ven a los franceses de esta manera, creo yo, o por lo menos lo espero. Es la descripción más rápida que se hace, pero en realidad es totalmente diferente. Cada país tiene sus características, pero son detalles que hacen un todo, porque no se puede definir un país solamente con un detalle. Escuchamos Yannick Noah, Métis. Marcher pieds nus dans la ville, en sandales dans la jungle. Tu sais, le mélange est facile, il suffit d'être simple. Je suis une église, une rencontre insolite. Je suis fier d'être métis, j'ai la chance de choisir. Je suis métis, un mélange de couleurs. Parfois je me perds au milieu des deux rives. Si j'ai besoin de repères, mes racines me guident. Un sentiment basique, un élan, une chance. Une si belle mosaïque, et dans mon cœur ça danse. Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes. Je suis l'enfant d'Adam et Ève, je suis un rêve comme Ismaël en Israël. Renie ta haine et fais sourire les anges. Mélange de Gange et la Tamise, métisse des Indes et du Brésil. On est métis comme Sade, Bob Marley. Tu peux te marrer ou bien te barrer, on peut en parler. Multicolore, anticonard et tous mes colocataires. Caracol en tête pour des idées d'un monde plus métissé. Métis, un mélange de couleurs. Êtres différents qui se mélangent et ne font qu'un. Je suis métis. Deux cultures, deux passés qui se rassemblent et ne font qu'un. Je suis métis. Deux façons de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un. Je suis métis. Pas besoin de voyager pour dire que je viens de loin. Ahora vamos a exponer los casos prácticos, o sea, los clichés que hay en general sobre Francia. Me gusta saber cómo los otros ven a los franceses. Tengo que decir que el que se oye siempre es el que los franceses comemos ancas de rana y caracoles. Pero la cosa es que no todos los franceses comen ese tipo de comida. Por ejemplo, yo nunca he probado las ancas de rana, pero no podemos hacer nada contra ese tipo de estereotipo. Lo que me ha hecho gracia también, y lo he descubierto hace poco, es que se atribuye a los franceses el concepto de huelga. Me hace gracia porque ahora mismo en Francia hay huelga de los ferrocarriles desde hace unas semanas. Además de la perturbación del tráfico aéreo, hay la perturbación de los ferrocarriles. Eso es verdad porque la compañía de ferrocarriles francesa siempre está en huelga. El chauvinismo es también un concepto que se atribuye a Francia y a quien nació en Francia. Era un soldado de la Revolución Francesa. Bueno, eso no importa. Por definición, el chauvinismo es una forma agresiva de patriotismo o de nacionalismo. Se caracteriza por una admiración excesiva por el país. Otro estereotipo sería que los franceses son más fríos, distantes y cerrados. Pero eso yo creo que se debe a la cultura. No debe ser un estereotipo, ya que forma parte de la cultura. Al norte de Francia, la gente suele ser más fría debido al espíritu nórdico. Pero no todos los franceses somos cerrados, os lo aseguro. Ahora escuchamos la canción de Renan Luce, La Lettre.

Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis. Les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment. Petit à petit, vêtement par vêtement. Petit à petit, vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris des apparts sans espace. Alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques. C'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent. Dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse. C'est le consulat qui rouvre les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boy aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, et je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté, c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? El otro día encontré un artículo en internet y me quedé muy decepcionado y muy enfadado. Es un artículo que apareció en el periódico El Comercio y fue publicado el 13 de mayo de 2007. Os digo la fecha para que os deis cuenta de lo grave que es hablar de esa manera en nuestra época. El artículo es de Blanca Álvarez. Elabora una crítica negativa sobre los franceses en general. Podéis encontrar el artículo en la página web elcomerciodigital.com. Hace una crítica virulenta contra Francia y más particularmente contra los franceses, diciendo que somos unos burgueses hipócritas, falsos, mentirosos y tacaños. Nos dice también que Sarkozy es el mejor exponente de lo francés, pero eso no es verdad. Sarkozy no es la imagen de Francia. No todos votaron a Sarkozy. Es el presidente, pero no quiere decir que todos los franceses opinan igual. ¿Cómo se puede tener ese tipo de discurso en un momento de apertura de las fronteras? Una generalización nunca es buena. Es un artículo muy virulento que no deberíamos dejar publicar. Creo que eso resulta más de una mala experiencia personal y eso no es digno de ser considerado como algo profesional. Además, la mezcla de la historia con los clichés y la política actual no es muy profesional. Con este tipo de artículo llegamos a los límites de la intolerancia. Este tipo de discurso es peligroso. En contesta a este artículo casi racista, podemos decirlo así, el representante del Cercle des Francophones Résidents en Asturie, o sea, el Círculo de los Francófonos de Asturias, escribió eso que encuentro muy justo y muy bien dicho. Antes de entregar una reflexión sobre cualquier tema tratado en general, pero aún más cuando se refiere a todo un pueblo en particular, se requiere un mínimo de investigación y comprobación de lo que se expone. Sus argumentos denotan una carencia de análisis en cuanto a nuestra economía, sistema social, historia pasada y presente, idioma, cultura, etc. Os dejo con eso a meditar. Gracias otra vez por haber sido atento a mi programa y nos vemos en la semana próxima para un nuevo programa. Hasta pronto. Os dejo con una música que quiere decir mucho para mí, Robbie Williams, Feel. Not sure I understand this road I've been given. I